Qu'est-ce que la nourriture ? Ce n'est pas seulement une collection de produits justiciables d'études statistiques et diététiques. C'est aussi, et en même temps, un système de communication, un corps d'image, un protocole d'usage, de situation et de conduite. Alors comment étudier cette réalité alimentaire, élargie jusqu'à l'image du signe ? Ces mots sont de Roland Barthes, en compagnie duquel nous allons déguster ce matin, dans l'ordre, un steak frites, un nappage de sauce encore à définir, des tempura, et s'il nous reste encore de la place, un couscous au beurre rance. Bonsoir messieurs. Oui ? J'ai une petite faim, je suis pressé garçon. Je m'appelle Georges. Alors Georges, un steak frites. Mettez une poêle au chaud. Ça y est, t'as décidé ta recette ? Ouais. Alors explique-moi. Je décide de partir sur une assiette un peu monochrome. Avec ça, on va faire une mousseline de salsifis parfumée au café. Là, j'ajoute ma crème montée à ma crème d'avocat. Et je vais rajouter un peu de sucre et de la vanille. Je vais bien colorer les deux côtés et je déglace au cognac. Qu'est-ce que c'est ce petit truc à croustillant ? C'est une tempura. Ouais, moi je pense que c'est une tempura. Une tempura de quoi ? Il n'y avait pas de gésier. Hein. Tout est déstructuré. Moi j'adore. C'est une œuvre d'art qui se crée en quelques minutes. La cuisson est pas mal. Hein. C'est bleu, c'est cru. Fondant, mais légèrement croquant. Non, moi je trouve que c'est une très belle assiette. Hein. Putain, il n'y a pas de bœuf. Top, c'est terminé, enlève les bras. Et là, je me dis qu'il va y avoir un problème. Alors Georges, mon steak. Bonjour Mathieu Messager. Bonjour Adèle Vanrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes maître de conférences en langue et littérature à l'Université de Nantes, le créateur du site roland-barthes.org, l'auteur du livre Roland Barthes aux éditions Que sais-je. Et c'est avec vous ce matin que nous allons... On va beaucoup manger. Oui. On a établi le menu ensemble. Il y a un côté Top Chef, non ? C'est un clin d'œil au mix de début proposé par Nicolas Berger. C'est-à-dire qu'on va à la fois on s'intéresse à la cuisson elle-même, à la cuisine, et en même temps à ce que la cuisine dit de notre temps. Oui, tout à fait. On mange beaucoup d'ailleurs, si je peux me permettre. Cette sorte de pastiche de Roland Barthes qui dit dans son Sade qu'on voyage beaucoup dans les livres de Sade. Et je dirais que dans les ouvrages de Roland Barthes, on mange beaucoup. On mange différents repas et en fonction aussi de différents moments clé de son œuvre. On pourrait les décliner comme ça sans cesse, mais dans la mémoire des lecteurs de Roland Barthes, et peut-être même du plus grand public, effectivement, il y a le steak frites, il y a le couscous, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi parfois un oignon qui affleure, il y a des petits pois, il y a des oranges. Bref, il y a toute une déclinaison comme ça d'objets culinaires dont il se saisit à différents moments de ses quêtes intellectuelles et qu'il fait parler. Effectivement. Et ce qu'il y a de bien chez lui, c'est que la nourriture n'est pas qu'une image. Parce qu'on peut tout à fait imaginer que chez les penseurs et les philosophes, les plats cuisinés ou les aliments soient des images, comme des métaphores renvoyant autre chose. Non, chez Barthes, c'est la nourriture elle-même qui l'intéresse, la cuisine aussi qui l'intéresse, comme un signe. Il faut peut-être partir de là. Pour Barthes, oui, tout est un signe. Alors quel type de signe est la nourriture ? En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que c'est un signe, et c'est là qu'il est très fort avec le texte sur le steak frites qu'on évoquera tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il casse cette vue un petit peu naïve qu'on a, c'est-à-dire qu'on s'alimente et finalement, on nourrit une fonction. Je dois me nourrir, donc je consomme un steak frites au hasard, un burger ou n'importe quoi. En fait, non, lui, il nous dit que c'est porteur de valeurs, de différentes valeurs, de différents signes qui sont sous-jacents, qui prédéterminent ces aliments. Et quand on se revendique comme étant, on peut le dire aujourd'hui, certains qui se revendiquent viandards, par exemple, ils revendiquent quelque chose. Ils revendiquent une sorte de virilisme, une sorte de force qu'on trouverait dans les substances du sanguin, etc. Donc, ce qu'on pense être anodin, innocent, en fait, est préconstruit par des discours, par des mises en scène, et est porteur, effectivement, de valeurs que les consommateurs mettent en scène aussi dans la représentation de leur nourriture et des banquets auxquels ils participent. Mais ça veut dire qu'il y a une idéologie dans nos assiettes. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce que les mythologies essayent justement de déconstruire et d'expliquer aux lecteurs. Alors, les mythologies, présentons le projet. Oui. Avant d'entendre le texte, je fais en sorte de susciter l'appétit de l'auditeur. Donc, il arrive dans un instant, ce steak frites. Les mythologies, peut-être on peut entendre Barthes lui-même en parler, présenter son projet au moment où il va rédiger ce qu'on appelle aujourd'hui les mythologies, qui étaient les textes qu'il remettait chaque mois à la presse. Écoutez. Les petits textes que j'ai donnés, effectivement, pendant 2 ans chaque mois aux lettres nouvelles, partaient, si vous voulez, d'un sentiment, je n'ai aucune raison de le cacher, disons très subjectif, très personnel, à savoir une sorte d'agacement, d'irritation contre la façon dont ce qu'on appelle maintenant les communications de masse, la grande presse par exemple, la publicité, présente des faits de la vie quotidienne, des incidents, des faits divers, comme fondée en quelque sorte sur des raisons qui vont de soi. J'ai voulu montrer, si vous voulez, que ce qui se passe dans le monde, au niveau précisément de cette grande information, ne va pas forcément de soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon naturelle de rendre compte de ce qui se passe dans le monde. Et j'ai voulu opposer à cette espèce de fausse nature une sorte de raison critique qui, évidemment, pouvait présenter certains aspects, comme on dit maintenant, démystifiants. C'était donc la voix de Roland Barthes en 1964 sur France Culture. Comment le dire plus clairement, hein, Mathieu Messager ? Finalement, rien ne va de soi. Non. Il faut critiquer ce qui se présente comme étant une façon naturelle de parler des choses et qui est en fait le résultat d'un discours construit. C'est ça. Alors, effectivement, il exprime très bien, il définit lui-même souvent d'ailleurs très bien les objets qu'il manipule, mais il serait peut-être intéressant de souligner deux choses essentielles et que Barthes comprend peut-être avant beaucoup de monde, et c'est en ça aussi qu'il est pionnier. Il comprend d'abord que l'idéologie ne se situe pas forcément dans le ciel des idées. Ouais. C'est pas des grands concepts désincarnés qui s'inscrivent comme ça, qui structurent le champ intellectuel d'une époque. L'idéologie, c'est plus ou c'est pas forcément le marxisme, c'est pas forcément le capitalisme, c'est pas forcément l'existentialisme. Mais l'idéologie, elle se loge de manière bien plus insidieuse, je dirais, dans des objets a priori innocents, dans la vie de tous les jours, dans les vêtements que l'on porte, dans les phrases que l'on dit, dans les objets que l'on mange, dans la publicité, etc. Donc il comprend qu'elle est à l'horizon du plus commun, du plus innocent. Et deuxième chose qu'il comprend, et c'est là qu'il va être très fort, et que c'est aussi un objet de combat, ces mythologies. Mmh. C'est pas tout simplement des petits textes inspirés et enlevés, c'est des textes d'une très très grande violence critique. Et c'est ça qu'il faut rappeler peut-être pour les auditeurs. Oui, qui sautent pas aux yeux quand on lit des mythologies. Justement parce qu'il y a une empathie avec l'objet qu'il veut déconstruire. Ouais. Et c'est là qu'il est très fort, c'est qu'il prend l'idéologie, je dirais, sur son propre terrain. Hein, parce que finalement, si l'idéologie porte sur toute notre culture matérielle, ben il va falloir aussi déconstruire la culture matérielle depuis les objets que l'idéologie commune évoque, c'est-à-dire un jouet d'enfant, c'est-à-dire une rubrique astrologique dans un journal féminin, etc., etc. Et il va sur ce terrain, et en allant sur ce terrain, la violence est d'autant plus efficace. C'est ça, violence qui suscite chez Barthes, vous l'avez entendu, une forme d'irritation dont il veut rendre justice dans ces mythologies que vous pouvez lire. On les trouve en différentes éditions. Il y a la magnifique édition Au Seuil, qui est très grande avec beaucoup de photos. On peut lire ces textes-là et se plonger dans l'époque. C'est vraiment un voyage extraordinaire. N'attendons plus. Pourquoi le steak est-il pour Barthes l'objet ou le lieu de l'expression d'une virilité ? Burn me a good thick one, Pete. Meat and potatoes. Prépare-moi un steak, tu veux, Peter ? Avec des pommes de terre. Hans, quand vous aurez fini la vaisselle, je vous demanderai d'aider Alice à faire le service. Oui. Papa, faire la vaisselle, ça suffit, Hans. On n'a jamais vu un homme servir l'étable. Mais si, au contraire, ça me distraira de servir. Ça me distraira. Regardez celle, on a une touche. La nouvelle serveuse. C'était mon steak, Valence. T'as entendu, ballot? Ramasse-le, va. Non, ne bouge pas, Hans. C'est toi, Valence, qui va le ramasser. Prends un autre steak, Tom Doniphone. C'est à mon compte. Terminé pour aujourd'hui. Je me demande ce qui a pu leur flanquer une telle frousse. Vous savez ce qui les a impressionnés ? Le spectacle de la loi et de l'ordre qui émergeait d'un beefsteak en sauce et d'une purée de pommes de terre. Oh, ça va. Ce qu'ils craignent, ce ne sont que vos armes, Tom. D'abord, pourquoi êtes-vous intervenu ? C'est moi qui l'a fait tomber. Mais c'était mon steak. Le beefsteak participe à la même mythologie sanguine que le vin. C'est le cœur de la viande, c'est la viande à l'état pur, et quiconque en prend s'assimile la force taurine. De toute évidence, le prestige du beefsteak tient à sa quasi-crudité. Le sang y est visible, naturel, dense, compact et sécable à la fois. On imagine bien l'ambroisie antique sous cette espèce de matière lourde qui diminue sous la dent de façon à bien faire sentir dans le même temps sa force d'origine et sa plasticité à s'épancher dans le sang même de l'homme. Le sanguin est la raison d'être du beefsteak. Les degrés de sa cuisson sont exprimés non pas en unités caloriques, mais en images de sang. Le beefsteak est saignant, rappelant alors le flot artériel de l'animal égorgé, ou bleu, et c'est le sang lourd, le sang pléthorique des veines qui est ici suggéré par le violine, état superlatif du rouge. La cuisson, même modérée, ne peut s'exprimer franchement. À cet état contre nature, il faut un euphémisme. On dit que le beefsteak est à point, ce qui est à vrai dire donné plus comme une limite que comme une perfection. Manger le beefsteak saignant représente donc à la fois une nature et une morale. Comme le vin, le beefsteak est en France élément de base, nationalisé plus encore que socialisé. Il figure dans tous les décors de la vie alimentaire, plat, bordé de jaune dans les restaurants bon marché, épais, juteux dans les bistrots spécialisés, cubique, le cœur tout humecté sous une légère croûte carbonisée, dans la haute cuisine. Il participe à tous les rythmes, aux confortables repas bourgeois et aux casse-croûtes bohèmes du célibataire. C'est la nourriture à la fois expéditive et dense, il accomplit le meilleur rapport possible entre l'économie et l'efficacité, la mythologie et la plasticité de sa consommation. Associé communément aux frites, le beefsteak leur transmet son lustre national. La frite est nostalgique et patriote comme le beefsteak. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et Roland Barthes qui lit sa propre mythologie, le beefsteak et les frites. Le texte date de 1957, la lecture de 1959, Mathieu Messager. Voilà le type d'écriture que l'on trouve dans la mythologie. On est entre la poésie, la phénoménologie, parce qu'il y a une description très précise de ce plat-là. Et peut-être ce qui frappe le plus, c'est de se dire qu'un intellectuel de cette époque pouvait prendre autant au sérieux quelque chose d'aussi trivial qu'un plat, qu'un steak frites. Tout à fait. Et je trouve que c'est la première fois que je l'entends lu par Roland Barthes. Ah oui. Et on entend bien aussi les séquences savoureuses de cet objet de savoir. C'est-à-dire que chez Roland Barthes, et de plus en plus dans l'avancée de son écriture, les deux catégories, saveur et savoir, vont se marier. Mais là, effectivement, on est sur un morceau de bravoure presque d'écriture où on a le mélange de l'objet le plus prosaïque qui soit, c'est-à-dire l'objet, le steak juteux, et tout le discours dont il arrive à enrober son analyse, qui dit une chose aussi essentielle, et c'était pourquoi peut-être la nourriture est chez Roland Barthes un objet qui le fascine, un objet encyclopédique, parce que l'objet alimentaire, peu importe que ce soit le steak ou autre chose, c'est un opérateur presque universel de discours. Mmh. On peut aller du côté de la poésie, et vous l'avez bien dit, il y a effectivement là à fleur certains moments où l'énumération est jouissive, où il y a un choix appuyé du signifiant, du mot, qui va flirter vers la poésie. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, ce sera encore plus percutant avec la nourriture japonaise. Donc on a de la poésie, on a de la sociologie, on peut avoir de la géopolitique, on peut avoir de la chimie. Et pour un esprit comme celui de Barthes, qui est attentif justement à tous ces discours de savoir qui peuvent s'emparer d'un objet, eh ben la nourriture est un objet formidable. Et d'où la réussite de cette mythologie. Il le dit dans sa leçon inaugurale au Collège de France, hein, nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible. C'est l'exemple parfait qu'on a ici. Mais ça veut dire que lui-même accorde de l'importance à la saveur du savoir. Quel était, est-ce qu'on connaît son lien à la nourriture dans la vie, indépendamment du texte? On peut la deviner, un lien problématique, parce que c'est quelqu'un, oui, si on lit les biographies, c'est quelqu'un qui était aussi sensible à son poids. C'est quelqu'un qui, après avoir souffert de la tuberculose, a eu peur de prendre du poids toute sa vie, donc faisait beaucoup attention, et donc allait vers des régimes qui pouvaient être parfois stricts. Mais à côté, l'autre pendant, c'est que c'est quelqu'un qui apparaît effectivement comme gourmand, qui va très souvent au restaurant, presque tous les soirs, hein, ça s'est attesté dans ses carnets, dans sa biographie, souvent dans de très bons restaurants aussi, avec des fétiches, il dit qu'il est français par les fruits, par exemple. Mmh. En tout cas, la nourriture à fleurs, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'anamnèse, de la mémoire, qui est beaucoup, beaucoup lié à son enfance dans la région de Bayonne, par exemple, dans le « J'aime, je n'aime pas ». Qu'est-ce que c'est le « J'aime, je n'aime pas » C'est un extrait que l'on trouve au milieu du Roland Barthes par Roland Barthes. Et je dirais, c'est finalement le pendant de ce qu'on vient de lire. C'est-à-dire, ce qu'on vient de lire, on vient de lire une analyse d'un aliment extrêmement détaillé, ouais, derrière lequel il nous dit que ce qu'on consomme naïvement est en fait porteur de signes et il faut pas en être dupe, il faut les comprendre. Tandis que le « j'aime, je n'aime pas » se contente d'énumérer un nombre incalculable de saveurs, de mets, d'aliments, mais sans les commenter, sans les prédiquer. Donc, comme pour garder aussi pur et innommé toutes les idéologies qu'il pouvait avoir derrière. Donc là, on est, vous voyez, dans une évolution aussi du rapport à Barthes à la nourriture. De temps en temps, je la déconstruis, quand elle représente une certaine France que je n'aime pas. De temps en temps, je la garde pour moi, innommée dans le bonheur presque anamique de l'enfance. Et Bayonne, c'est ça, c'est le Serrano, par exemple, qu'il aime beaucoup. C'est les pêches de vigne qu'il nomme. C'est la pâte d'amande, etc., etc. C'est la bière excessivement glacée. Mais aucun propos ne venant commenter, ce qui, forcément, est aussi de l'ordre de la mythologie pour Lambarthe. C'est une mythologie affective, territoriale, liée au territoire de l'enfance. Mais il la laisse pure. J'aime la salade, la cannelle, le fromage, les piments, la pâte d'amande, l'odeur du foin coupé, les roses, les pivoines, la lavande, le champagne, des positions légères en politique, Glenn Gould, la bière excessivement glacée, les oreillers plats, le pain grillé, les cigares de Havane, Handel, les promenades mesurées, les poires, les pêches blanches ou de vigne, les cerises, les couleurs, les montres, les stylos, les plumes à écrire, les entremets, le sel cru, les romans réalistes, le piano, le café, Pollock, Twombly, toute la musique romantique, Sartre, Brecht, Jules Verne, Fourier, Eisenstein, les trains, le Médoc, le Bousy, avoir la monnaie, Bouvard et Pécuchet, marcher en sandales le soir sur de petites routes du sud-ouest, les Marx Brothers, le Serrano à 7 heures du matin en sortant de Salamanque, etc. Je n'aime pas les loulous blancs, les femmes en pantalon, les géraniums, les fraises, le clavecin, Miro, les tautologies, les dessins animés, Arthur Rubinstein, les villas, les après-midi, Satie, Vivaldi, téléphoner, les chœurs d'enfants, les concertos de Chopin, les danseries de la Renaissance, l'orgue, Marc-Antoine Charpentier, ses trompettes et ses timbales, le politico-sexuel, les scènes, les initiatives, la fidélité, la spontanéité, les soirées avec des gens que je ne connais pas, etc. J'aime, je n'aime pas. Cela n'a aucune importance pour personne. Cela apparemment n'a pas de sens. Et pourtant, tout cela veut dire « mon corps n'est pas le même que le vôtre ». Comment ce texte peut-il émouvoir autant Mathieu Messager? Il ne fait que citer ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, et c'est absolument bouleversant, écoutez. Oui, parce qu'elle est aussi mise en scène, quelque part. C'est-à-dire que si je me mettais à lire cet extrait, peut-être ça n'aurait pas la même saveur, la même émotion. Mais c'est effectivement un texte qui est intéressant quand on le recontextualise aussi, dans ce livre-là, Roland Barthes par Roland Barthes, qui est une auto-lecture de soi-même, hein, où il va évoquer les différents concepts qui le requièrent, ses différentes manières d'écrire, etc., qui est un texte très dense sur le plan intellectuel, très difficile à suivre s'il n'est pas barthésien. Et d'un coup, presque au milieu du livre, on a une pause, comme ça, qui est presque de l'ordre de la poésie, qui va chercher aussi vers des formes modernes, du fragmentaire, de la liste, hein, chose qui va devenir dans la poétique du début du XXIe siècle, quelque chose de très prisé par certains auteurs, c'est-à-dire la nomination sans l'explication. Et effectivement, chacun s'y retrouve parce que, en disant « mon corps n'est pas le même que le vôtre », je vous doue quand même de la possibilité d'avoir un corps et de faire vous-même vos listes. Donc c'est aussi intéressant, c'est un objet qui est fermé sur une singularité, mais extrêmement circulaire parce qu'il vient toucher tout à chacun. Parce que quand on réduit tout, on n'a peut-être pas tous la même intelligence de Roland Barthes, la même pénétration des faits sociaux, mais on a tous un corps, des goûts et des dégoûts, et on peut tous faire ce genre de liste. Et vous aurez remarqué que les cinq premières choses qu'il cite dans la liste des j'aime, c'est de la nourriture. Oui. La salade, la cannelle, le fromage, les piments, la pâte d'amande. Et on trouve dans ce qu'il n'aime pas ce mot clé, me semble-t-il, pour comprendre l'approche de Roland Barthes. Il est dans ce qu'il n'aime pas, il n'aime pas la spontanéité. Et au fond, tout Barthes est là-dedans. C'est qu'il il semble refuser le naturel, la spontanéité. Quand il parle de son travail d'écriture, c'est pareil. Il dit, mais on ne peut pas écrire d'un seul jet, je travaille, surtravaille chaque phrase, chaque mot, pour finalement arriver à cette espèce de fluidité qu'on lui connaît. Tout à fait, c'est une quête qu'il aura en permanence. C'est-à-dire, même dans ce Roland Barthes par Roland Barthes, j'y pense en l'évoquant, mais il y a des fragments où, qui sont très très prosaïques, très triviaux, où il dit qu'il ne peut même pas aller uriner au jardin sans se poser la question de ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, le naturel, le simple, c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour un intellectuel comme Roland Barthes, qui est au contraire dans l'analyse permanente de tous les signes qui parasitent notre quotidien et nos comportements. Ce qui signifie que les plats en sauce, le nappage des sauces, et ce qu'on peut appeler la cuisine ornementale, devrait lui plaire. Bernadette Flamand est styliste culinaire. Son travail, faire saliver par l'image. Quand on arrive sur place sur un plateau photo, il faut avoir prévu un maximum de choses. On bidouille, on fait briller ou on évite de noircir par exemple, ou on fait rougir la viande en mettant un peu de bicarbonate de soude dessus, ou en faisant des cuissons de volaille, en les finissant au cirage pour avoir un bel aspect bien doré, ou avec un peu de sauce tomate et de jaune d'œuf. Il n'y a pas vraiment de choses figées. En plus, comme il y a des modes dans la photo, au fur et à mesure du métier, les trucs évoluent également. Maintenant, on va avoir tendance à laisser faire un petit peu le côté vrai. Je pense que les gens ont vu aussi beaucoup de recettes qui paraissaient superbes sur l'image. Quand ils ont voulu les refaire, c'était parfois un peu frustrant parce que c'était difficile à réaliser et ça ressemblait pas vraiment à la photo. Donc on revient plus à des choses réalistes. Le journal Elle, véritable trésor mythologique, nous donne à peu près chaque semaine une belle photographie en couleur d'un plat monté. Perdreau doré piqué de cerises, chaud-froid de poulet rosâtre, timbales d'écrevisses ceinturées de carapaces rouges, charlotte crémeuse enjolivée de dessins de fruits confits, génoise multicolore, etc. Dans cette cuisine, la catégorie substantielle qui domine, c'est le nappé. On s'ingénie visiblement à glacer les surfaces, à les arrondir, à enfouir l'aliment sous le sédiment lisse des sauces, des crèmes, des fondants et des gelées. Cela tient évidemment à la finalité même du nappé, qui est d'ordre visuel, et la cuisine d'elle est une pure cuisine de la vue, qui est un sens distingué. Il y a en effet dans cette constance du glacis une exigence de distinction. Elle est un journal précieux, du moins à titre légendaire. Son rôle étant de présenter à l'immense public populaire qui est le sien, des enquêtes en font foi, le rêve même du chic. D'où une cuisine du revêtement et de l'alibi qui s'efforce toujours d'atténuer ou même de travestir la nature première des aliments, la brutalité des viandes ou la brute des crustacés. Le plat paysan n'est admis qu'à titre exceptionnel, le bon pot-au-feu des familles, comme la fantaisie rurale de citadins blasés. Mais surtout, le nappé prépare et supporte l'un des développements majeurs de la cuisine distinguée, l'ornementation. Les glacis d'ailes servent de fond à des enjolivures effrénées, champignons ciselés, ponctuation de cerises, motifs au citron ouvragé, épluchures de truffes, pastilles d'argent, arabesques de fruits confits, la nappe sous-jacente veut être la page où se lit toute une cuisine en rocaille. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et voilà comment l'ornementation culinaire qui fuit la nature, hein, on le disait, tout en la reconstituant artificiellement, fait miroiter au lecteur du magazine Elle un rêve de distinction et de raffinement. Là encore, on sent poindre la critique. D'un côté, on se dit, bah oui, du coup là on est loin du naturel, donc ça devrait lui plaire. Et en même temps, vous aurez peut-être entendu et remarqué le mot de distinction, exigence de distinction. C'est avant la distinction de Bourdieu, mais ça veut dire la même chose. Oui, ce qui est assez fascinant, c'est ce texte, en regard du texte sur le beefsteak et les frites, c'est vraiment deux manières de déconstruire l'idéologie. Il y en a un, le premier qu'on a entendu tout à l'heure, qui pénètre finalement par l'écriture la matière profonde de l'aliment décrit, le sang, les différentes qualités du sang, les fibres, les différentes couleurs de la carnation. Et ici, on a un texte qui est tout en surface et qui n'est plus en piqué, comme si l'œil de Barthes glissait sur les catégories aussi qui sont propres à cette cuisine, c'est-à-dire le glacis, le nappé, le gelé. Et par là, il prouve bien qu'on a une cuisine, chez elle, on a vraiment une cuisine qui est faite complètement à distance, qui est une pure cuisine d'affiche et qui se goûte à la fois seulement, pas par le palais, hein, mais par l'oreille, c'est-à-dire par la description presque monstrueuse, parce que faite d'assemblage impossible, par l'oreille et par l'œil. Donc on a vraiment une critique qui montre que c'est une cuisine complètement vitrifiée. Et c'est ça qui déplaît à Barthes, c'est cette manière de recouvrir par le voile la réalité même de l'objet culinaire. Et par là, il y a une aliénation. Mais c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le food porn ? Quelque part, c'est en tout cas dans la représentation et dans la mise en scène photographique et séduisante de l'objet alimentaire, on y est effectivement très proche. Sauf que à l'époque, c'était des publicitaires, des magazines qui eux-mêmes mettaient en scène la nourriture qu'ils voulaient donner à consommer à leurs lecteurs. Sauf qu'aujourd'hui, par un effet mimétique peut-être, on représente la manière qu'avaient les magazines féminins de représenter la nourriture. Donc l'aliénation, elle est au carré. C'est-à-dire qu'on a l'impression de s'émanciper. Mais finalement, on reproduit des canaux de communication qui existaient déjà à la fin des années 50. Mais quel est le problème, vraiment? Parce que dans le fait de cuisiner, de mettre des photos des plats que l'on cuisine, au fond, même si on copie le système mis en place par les fiches de cuisine, elles, on redouble aussi le plaisir. Le plaisir visuel fait partie du plaisir de cuisiner. Sauf que sur les différentes enquêtes d'opinion qui s'intéressent au poster de food porn, on se rend compte que c'est souvent une même catégorie socio-professionnelle, une sorte de bourgeoisie de gauche qui a accès à des bons aliments, qui a accès à une nourriture étiquetée comme bonne, comme bio, etc. Et d'ailleurs, qui vont venir suivre les tags de food porn, c'est-à-dire bio, local, etc., etc. Je ne sais pas si les gens qui travaillent toute la journée à 2 heures de chez eux pensent le midi à faire une petite photographie et la poster sur Instagram. Donc finalement, c'est une répercussion aussi de l'idéologie dans nos manières d'afficher la nourriture. Oui, mais ça, on peut le dire au sujet de tout. On peut dire, mais Barthes a bien le temps de penser, lui-même est un intellectuel, qui a le temps d'écrire des livres. Il n'échappe pas, mais lui en est conscient. Ouais. C'est-à-dire qu'il le met en scène et il le dit. Donc il ne s'en cache pas. À cette époque, pour Barthes, on est quand même en période marxiste, donc le discours est beaucoup plus main nue, beaucoup plus fort aussi sur l'impératif politique qu'il y a derrière des choses les plus anodines. Alors aujourd'hui, ça paraît peut-être aller de soi, à l'époque, c'est porteur d'une très grande violence pour Barthes, parce que ça donne à voir un objet de désir que le commun des mortels ne peut pas acquérir. Et donc ça froisse Roland Barthes. Parce que son but est d'être accessible à tous ? En tout cas, de ne pas faire miroiter une nourriture de rêve qu'on ne pourrait peut-être pas consommer. Parce que finalement, le food porn, vous avez raison, c'est un objet alimentaire qui est quand même plus commun. C'est pas des pièces montées, c'est pas des piquets, des crevisses, comme il est ici question. Donc c'est vraiment une cuisine aristocratique là que détruit Barthes. C'est pas, je vous l'accorde, la food porn d'aujourd'hui. Il y a eu quand même du changement. Bah, il faudrait voir, parce qu'en effet, ce qu'on appelle la food porn aujourd'hui est aussi l'expression d'une popularisation de ce rapport-là à la nourriture. Du rapport à l'image. Oui, on peut tout montrer, et on peut tout mettre en scène. Après, forcément, il y a certaines conditions matérielles qu'il faut réunir pour avoir le temps de faire un plat et de le prendre en photo. Allez-y. Non, en tout cas, il pointe une loi de proportionnalité. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais à la fin du texte, c'est ça qui est intéressant. Il dit que plus dans la représentation, je veux dire dans les médias, plus une cuisine se déréalise. Donc plus elle devient comme ça ouvragée, plus elle devient baroque dans ses représentations, plus elle s'adresse à un lectorat populaire, et plus elle devient réelle, plus elle est tangible, plus l'objet est computable, plus on lui dit combien coûte l'aliment, plus c'est simple à faire, plus elle s'adresse à finalement une population de classe privilégiée. Mmh. Il le pointe à la fin du texte, qui est assez stimulant d'un point de vue intellectuel, à voir si ça fonctionnerait aujourd'hui aussi dans les différentes représentations de télé-réalité. Oui. Est-ce qu'en fonction des publics, on a une cuisine plutôt gastronomique, très ouvragée, pour des publics populaires, et finalement quelque chose de faisable, du do it yourself pour des populations plus aisées. Oui, ce serait intéressant. Mais en tout cas, il y aura une translation de l'objet à faire qui serait intéressante à déconstruire. Et j'ai rebondi sur le mot de distinction, l'exigence de distinction. Quels étaient les rapports entre Barthes et Bourdieu, justement? Le livre paraît en 79. On pourrait croire... La distinction de Bourdieu. La distinction de Bourdieu. Les rapports, en tout cas, Barthes propose une sociologie de la nourriture, donc du goût, et donc des différents échelonnements selon que vous soyez pauvre ou riche ou intermédiaire, vous n'avez pas la même manière de vous comporter avec la nourriture. Il perçoit très vite que c'est un objet social total. Donc en cela, on pourrait le croire quand même solidaire de ce que va être l'exercice de Bourdieu, mais en même temps, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de texte directement qui commente l'ouvrage de Bourdieu, mais j'ai lu récemment quand même dans ses archives, au moment où la distinction paraît, il y a une très grande colère de Barthes, parce que il trouve qu'à force de tout araser, à force de tout finalement déconstruire, de dire que le goût est une notion historique qu'il faudrait s'opposer au haut goût, mais finalement il dit que c'est l'art que l'on détruit, parce que quand on veut reproduire dans sa vie de tous les jours le sublime ou le goût le plus haut, on va vers l'art. Et du coup, ça chagrine beaucoup Roland Barthes de voir Bourdieu tout arasé. Mais là encore, on a une évolution de Roland Barthes dans son trajet intellectuel. Parce qu'en finalement, en 56-57, il peut être proche des intuitions de Bourdieu de 79. En 79, Barthes est beaucoup plus hédoniste, beaucoup plus à la recherche d'un trajet d'écriture personnelle et en vient à être de plus en plus critique face à quelque chose qui voudrait tout arraser sur le plan des valeurs. Critique envers la critique, au fond. Oui. Peut-être rejoint-il ce naturel, cette spontanéité qu'il critique avant. En tout cas, une mise en scène des valeurs qu'il veut préserver, quelque part. Ça pourrait être contradictoire avec ce qu'on a dit, mais c'est le trajet particulier. C'est ce qui rend l'œuvre de Barthes aussi séduisante, c'est qu'elle évolue. Tout le temps. Ouais. Effectivement. Qu'est-ce que c'est une tempura, Mathieu Messager? Je suis pas spécialiste de gastronomie japonaise, mais effectivement, c'est soit un bout de poisson cru ou un bout de légumes cru qu'on va venir saisir dans une farine très délayée, très légère, cuire dans l'huile, la ressortir très vite et donner le goût du croquant, et du chaud et du frais au consommateur. Ebi no tempura. Tempura moriawase. Yasai tempura. Karei no karaage. Le cuisinier, qui ne cuit rien du tout, prend une anguille vivante, lui fiche une longue pointe dans la tête et la racle, la dépiaute. Cette scène preste, humide, plus que sanglante, de petite cruauté, va se terminer en dentelle. La tempura est débarrassée du sens que nous attachons traditionnellement à la friture et qui est la lourdeur. La farine y retrouve son essence de fleurs éparpillées, délayée si légèrement qu'elle forme un lait et non une pâte. Saisi par l'huile, ce lait doré est si fragile qu'il recouvre imparfaitement le fragment de nourriture, laisse apparaître un rose de crevette, un vert de piment, un brun d'aubergine, retirant ainsi à la friture ce dont est fait notre beignet et qui est la gangue, l'enveloppe, la compacité. L'huile, mais est-ce de l'huile? S'agit-il vraiment de la substance mère du huileux? Aussitôt épongée par la serviette de papier sur laquelle on vous présente la tempura dans une petite corbeille d'osier, l'huile est sèche, sans plus aucun rapport avec le lubrifiant dont la Méditerranée et l'Orient couvrent leur cuisine et leur pâtisserie. Elle perd une contradiction qui marque nos aliments cuits à l'huile ou à la graisse et qui est de brûler sans réchauffer. Cette brûlure froide du corps gras est remplacée ici par une qualité qui paraît refuser à toute friture, la fraîcheur. Alors comment est-on passé, Mathieu Messager, du beefsteak et des frites à la tempura? On n'est pas dans le même pays et c'est pas le même type de cuisine. Pas du tout. On est presque 10 ans après l'apparition des mythologies. Et effectivement, on retrouve dans l'Empire des Signes, peut-être rappeler ce que c'est que ce livre. Donc c'est très rapidement, c'est une sorte de méditation un peu libre et fantasmée sur l'univers symbolique propre au Japon, dans lequel Barthes va s'intéresser à la langue japonaise, à la gastronomie japonaise, au divertissement japonais, à son théâtre, sa littérature, à ses visages, à ses jardins. Bref, on trouve dans l'Empire des Signes plusieurs effectivement mythologies comme ça, culinaires à nouveau, hein, j'insiste sur le mot de mythologie parce qu'il me semble qu'elles répondent et qu'elles sont les cousines presque éloignées des premières qu'on a lues tout à l'heure, hein, sur la cuisine ornementale, sur le steak et les frites, mais cette fois-ci l'attaque n'est plus du tout corrosive. On a une pleine euphorie de Roland Barthes, une pleine adhésion à l'objet qu'il est en train de décrire, qui fait qu'aussi, c'est un livre, L'Empire des Signes, c'est peut-être le premier livre heureux de Roland Barthes. C'est un livre du pur bonheur. Pourquoi d'ailleurs, si vous prenez le livre, c'est assez drôle, ça m'a toujours marqué, il y a la première image, vous avez... Parce qu'il y a des images dans ce livre. Il y a des dessins, des photos, des images, des annotations. Et vous avez un acteur japonais qui esquisse un sourire. Ouais, tout petit. Hein. Et à la fin de l'ouvrage... Il y en a l'ouverture du sourire qui vient clore le livre, comme si le livre avait été écrit juste le moment de l'espace d'un sourire. Hein, c'est vraiment la catégorie clé de ce livre, c'est le bonheur. C'est aussi le premier livre de Barthes qui n'est pas issu de recueils d'articles qu'il a pu écrire ou de cours qu'il a pu donner. Ça part d'une injonction très personnelle, donc d'un amour très personnel. Autant pour les mythologies, il disait dans les mythologies, j'ai écrit tout ce que je détestais des signes, autant pour le Japon, j'ai écrit les signes que j'aimais. Donc voilà pour resituer un peu le projet de Barthes. On pourrait dire que c'est une sorte de voyage en Orient. Ah bah complètement, oui. C'est d'ailleurs comme un journal de voyage. Il se présente comme touriste, il dit voilà ce que je vois. Sauf que, contrairement à ses prédécesseurs, à de très grandes réussites, on n'a pas la volonté de réduire l'autre à soi-même, à sa propre culture. On a la volonté de laisser comme ça errer cette pleine différence du système japonais jusqu'au rêve. Mais on ne va plus le reconquérir par l'analyse pour dire, voyez, nous, on est comme ça, eux, ils sont comme ça. On n'a pas ce phénomène de miroir. Donc, Barthes, vraiment, déambule. C'est pour ça aussi que c'est un peu un poème vagabond, comme disait Rimbaud. Une véritable errance à l'intérieur des signes du Japon. Alors, pour revenir au culinaire, ils occupent une très grande place, parce qu'ils sont presque au début du livre, et Barthes va évoquer plusieurs titres et plusieurs éléments de la cuisine japonaise. Et d'ailleurs, moi, les titres me font penser aux titres qu'on trouvait déjà dans les mythologies. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'eau et le flocon, quand vous regardez bien, moi, ça me fait penser au vin et au lait, par exemple. La cuisine décentrée du monde japonais, c'est-à-dire que tous ces éléments qui sont épars, et que le consommateur va reconstituer soit dans les ragoûts, soit dans les soupes. Mais d'abord, tout lui est présenté dans le désordre. Vous avez le poisson cru, vous avez les épices, vous avez les végétaux. Vous les réassociez comme bon vous semble, et c'est vous qui êtes maître de l'ouvrage culinaire. Vous ne consommez pas quelque chose qui est déjà glacé et qui est fait dans le secret des cuisines. Vous voyez, il y a une très grande différence. Donc à la cuisine décentrée s'oppose aussi à la cuisine ornementée ou ornementale. Et dernière chose, peut-être le sashimi, que va aussi évoquer Roland Barthes, et la tempura, donc, s'oppose pour moi au beefsteak et aux frites. Parce que d'un côté, vous avez vraiment la crudité face à la cuisson, et vous avez une sorte de brûlure complètement différente, une friture différente dans la tempura, qui n'est pas du tout la même friture que la frite, qui est, nous dit Barthes, grasse, qui colle, etc. Tandis qu'il doute même que la tempura appartienne au domaine du huileux. C'est tellement légère. Donc même les catégories qui sont les nôtres, vous voyez, elles sont en train de s'évaporer sous le ciel du bonheur japonais. Donc on a une conversion totale de Barthes, de la valeur attribuée aux plats et aux aliments. Pourquoi ? Je pense parce que de façon soustractive complètement ici, ou adversative, mais sans trop le dire, sans trop insister, vous avez la cuisine japonaise, aux yeux de Barthes, encore une fois, se déprend presque terme à terme de notre système de signes, du moins tel que Barthes le perçoit. Les baguettes désignent et translatent du plat à la bouche, comme la béquille maternelle, contrairement à nos fourchettes et à nos couteaux qui agrippent et qui déchirent. C'est pas du tout le même sémantisme, là. Vous voyez, la connotation est beaucoup plus violente. La divinité tutélaire dans une cuisine, le Japon, c'est la crudité. Et d'ailleurs, les différents états visuels de la crudité, qui prouvent que le panel est presque comme aussi des godets d'un peintre, avec plein de couleurs différentes. Tandis que chez nous, c'est les différentes carnations de la cuisson, comme dans le steak et les frites. Autre élément, on a une consommation qui est complètement inféodée à un ordre, nous. C'est-à-dire l'entrée, le plat, le dessert, des catégories qui s'opposent, le sucré, le salé, le poivré, etc. Tandis que, nous dit Barthes, au contraire, au Japon, c'est le fragment, c'est l'épars qui règne et c'est l'association des éléments comme bon vous semble, sans être inféodé à un ordre. Et dernier élément, c'est que cette fois-ci, c'est une cuisine de surface aussi. Oui. mais de surface, donnée à voir complètement sans apprêt, élément par élément, et elle s'oppose surtout à la cuisine de la profondeur. La profondeur, la cuisine occidentale, pour Barthes, c'est la cuisine qui cache son centre. Comment on cache en Occident ? Ben justement en faisant des pièces montées, en cachant au cœur de la pièce montée l'objet alimentaire, on noie sous les sauces, tandis que c'est nous qui allons baigner dans les soupes japonaises les éléments. Et si vous allez dans un gastronomique, où la représentation qu'on en a, le plat arrive devant vous sous une cloche. Donc le secret est maintenu jusqu'au dernier moment. Tandis que devant vous, le cuisinier japonais cuisine et vous donne un à un les aliments. Donc on n'est pas du tout la même représentation des signes. Et ce à quoi s'oppose Barthes aussi, c'est qu'on a aussi là une sorte de transfert intellectuel, c'est qu'il s'oppose beaucoup à cette notion de vérité dernière, de centre propre à la métaphysique occidentale, propre au registre de la révélation, hein, que va attaquer tout le courant post-structuraliste, Derrida en tête. Donc là aussi, vous voyez, ce trajet-là est un trajet intellectuel nouveau chez Roland Barthes, mais qui se lit et qui se donne à lire sous les catégories du bonheur, ce qui est très agréable pour un lecteur. Ah bah oui, je vous le confirme, lire ce livre est vraiment un plaisir sans cesse renouvelé, et c'est vraiment extraordinaire de voir que c'est dans l'analyse, dans la description, plus que l'analyse d'ailleurs, des plats japonais, que se situe le mieux pour Barthes, et sans doute pour le lecteur, la possibilité de distinguer au fond l'empire des signes de l'empire occidental. De l'empire des sens. Voilà, de l'empire des sens sans doute. Mais vous avez employé le terme de métaphysique, mais on peut aller jusque là, je crois, dans le texte de Barthes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Métaphysique aussi, c'est-à-dire que je ne vais plus analyser les objets par la discursivité intellectuelle propre à l'analyse métaphysique occidentale. C'est-à-dire que c'est même plus un texte d'analyse ici. C'est un texte de pure poésie, si on veut. Si on veut élargir la catégorie de poésie comme quelque chose qui nous représenterait le sens comme devenu inaliénable et comme étant porteur de tout un paysage nouveau qu'on n'aurait pas su voir. Je pense que il faut aller voir, quand on est lecteur de l'Empire des signes, du côté du poème. Et ce sont vraiment des catégories qui organisent son écriture. Quand vous lisez la préface, Henri Michaud est convoqué de manière latérale. Il parle de voyage en grande garabagne, donc voyage de l'ordre du voyage imaginaire. C'est-à-dire que je ne vais pas non plus représenter strictement le monde japonais, mais je vais faire un pas d'écart et je vais inventer tout un système mythique. Sauf que Barthes dit, je ne vais pas complètement inventer le Japon, je vais quand même préserver des parts de réalité japonaise, mais pour rêver. Depuis. Donc moi, je dirais que s'il y a des poètes à trouver ou des poèmes à trouver, moi ça me fait penser ces extraits-là, ça me fait penser par exemple à quelqu'un comme Francis Ponge sur le parti pris des choses, c'est-à-dire qu'on a une lecture complètement myope des objets. Donc là, c'est plus non plus l'hyper voyeur barthésien, l'hyper sensible à l'idéologie, c'est le lecteur myope et qui assume sa myopie. Donc myope, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes collé à l'objet, mais que vous le voyez d'autant mieux. C'est-à-dire que vous le voyez sous une forme de zoom, vous voyez tout le paysage que peut contenir une tempura ou un sukiyaki. Et donc, votre écriture, elle se déploie, elle se débonde. Et exactement comme ce genre d'écrivain. Et d'ailleurs, Barthes emploie beaucoup, face à la nourriture japonaise, des catégories. Il dit qu'il a été illuminé. Ouais. Donc c'est encore une catégorie aussi liée à la poésie occidentale, à Rimbaud par exemple. Bref, on a un vacillement du sens devant les signes culinaires du monde japonais. Y a-t-il chez Barthes la volonté explicite de prendre en compte ce qu'on appelle les petites choses du quotidien? Est-ce qu'on pourrait y penser? Est-ce qu'on se dit qu'il oppose ou qu'il accorde volontairement beaucoup d'attention à ces petites choses auxquelles d'habitude on ne fait pas attention? Ou est-ce que finalement chez lui, les choses ne sont pas formulées ainsi, et c'est sa myopie ou son acuité d'observateur qui fait qu'il s'intéresse à ces choses-là? Vous avez complètement raison. Je pense que ce qu'il va appeler à un moment le cessa ou la matité des choses, la chose en soi qui ne peut pas être prédiquée par le discours, c'est quelque chose qui le fascine et qui le fascinera toute sa vie. Et la recherche dans les derniers moments de sa vie, dans les derniers moments de son trajet intellectuel, vont essayer de mettre des choses qui relèvent effectivement de l'absolu quotidien. L'absolu quotidien, tellement quotidien qu'on n'en a rien à dire, finalement. Et le ne plus rien à dire, ne plus trouver un sens qui opposerait un autre sens, ou ne plus voir un objet comme recouvert d'un sens qu'il faudrait dire, ou ne plus avoir une posture intellectuelle parce que vous me dites ce mot, donc je dois me positionner comme ça. Effectivement, c'est quelque chose qui va le fasciner. D'où la mise en scène des j'aime, je n'aime pas. D'où la fascination pour des auteurs qui décrivent ce qu'il va appeler, en fait, voilà, le temps qu'il fait. Il est fasciné par des auteurs où, à un moment, dans leurs ouvrages, et même les auteurs intellectuels, vous êtes reposé du murmure intellectuel, par des petites épiphanies du quotidien. C'est-à-dire qu'il adore chez Werther, on en parlait récemment, oui, les petits pois, les fragments d'un discours amoureux. Les petits pois et l'orange. Ouais. Il va y revenir très souvent. Il adore chez Fourier le fait que Fourier adore les melons, les petits pâtés, les mirlitons, etc., etc. Donc sur ces petites choses du quotidien qui finalement font des biographèmes, ce qu'il va appeler les petits indices d'une vie qu'on ne peut pas prédiquer et qui appartiennent à chacun, qui font partie de l'idiosyncrasie de chacun, ça c'est quelque chose qui le fascine, parce que ça met en dérive l'analyse finalement. C'est l'heure de la page de publicité. J'ai d'abord aimé Dolores. Elle avait des milliardaires à ses pieds, mais elle me disait toujours « Oh toi, tu es le premier à m'avoir fait goûter ». Goûter les panzani, les pâtes panzani, c'est mon plat favori, les panzani. Ensuite, j'ai aimé Marika. Elle avait connu des princes et des rois, mais elle me disait toujours, oh, toi, tu fais si bien. Si bien les panzani, les pâtes panzani, c'est mon plat favori, les panzani. Finalement, je vais épouser Françoise. Je suis le seul dans sa vie et je l'adore quand elle me dit « Promets-moi que toujours nous ferons souvent, souvent des panzani, des pâtes panzani, c'est mon plat favori, les panzani. » Ah oui. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano. L'image de publicité pour les pâtes Panzani livre plusieurs signes. Pour lire le premier signe, il suffit d'en savoir en quelque sorte implanter dans les usages d'une civilisation très large où faire soi-même son marché s'oppose à l'approvisionnement expéditif, conserve ou frigidaire. Le second signe est à peu près aussi évident. Son signifiant est la réunion de la tomate, du poivron et de la teinte tricolore, jaune, vert, rouge, de l'affiche. Son signifié est l'Italie, ou plutôt l'italianité. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Alors là, dans ce texte, hein, cette rhétorique de l'image, se rejoignent à la fois les analyses que vous avez énoncées, Mathieu Messager, en début d'émission, sur l'importance de la présentation de la nourriture, et en même temps, la tentative de saisir ce qui fait l'essence peut-être d'un pays ou d'une cuisine, comme on l'avait vu dans l'Empire des Signes. C'est un texte, donc l'analyse de la publicité pour les pâtes Panzani, qui est souvent étudié et que les personnes qui connaissent pas forcément très bien Barthes peuvent en avoir entendu parler parce qu'il est très utile. Il donne exactement les clés pour comprendre ce qu'est une image de publicité. Oui, tout à fait. Vous me prenez à mon propre piège, hein, parce que c'est un texte que je donne à lire presque tous les ans. C'est vrai, ben voilà. À mes étudiants. C'était mon cas quand j'étais étudiante, pour tout dire. Voici dans la situation où je dois en parler. Et vous êtes écouté. Oui, c'est un texte, comme vous le dites, qui est extrêmement généreux. Et je trouve que c'est intéressant de finir aussi peut-être par ce texte. C'est la générosité d'écriture dont est capable Roland Barthes. C'est-à-dire qu'il donne, même si peut-être ici les mots sont un petit peu complexes, parce qu'ils viennent du domaine de la linguistique, signe, signifiant, signifié, mais on les comprend quand même assez vite. Ensuite, c'est une pure épiphanie du sens quand on lit le texte. Et d'ailleurs, il emploie le mot écrémé. Et quand on suit lettre à lettre le texte de Barthes, on voit effectivement cette image s'écrémer et on voit des pans de signification apparaître et nous rendre plus intelligents à la fin de la lecture de ce texte. Mais c'est la magie de ce texte. Mmh. Une fois qu'on l'a compris, on n'en revient pas de comprendre ce qui a été écrit et de comprendre l'image qu'on a vue avant. Tout à fait. Et du coup, on ne voit plus la publicité dans la rue ou au dos d'un bus de la même manière. Il nous apprend à travers 2-3 outils à déconstruire effectivement les images et surtout à nous prouver que l'image est porteuse d'une rhétorique. Parce qu'on, quand il commence cette analyse, on est simplement persuadé que l'écrit est porteur d'une rhétorique. L'écrit est porteur d'idées, de figures de style qui, de manière invisible, font passer un message. Là, c'est l'inverse. Il nous dit l'image aussi fait porter des messages. Et le temps de cerveau disponible, comme disait un certain, face aux images, ben, il aurait tout intérêt à être utilisé avec la méthodologie de Roland Barthes et à utiliser ce temps disponible pour déconstruire comme il nous l'enseigne, chacune des images qui sont aujourd'hui, qui parasitent le monde. Et on est d'autant plus intelligent après avoir lu ce texte. C'est un texte très généreux qui propose un trajet, en fait, de lecture. Et on le suit pas à pas. Vous pensez que Barthes aurait dit aujourd'hui que les images parasitent le monde ? Bah, en tout cas, elles sont partout. Mais s'il nous apprend à les décrypter ? Il nous apprend à les décrypter, mais est-ce qu'on les décrypte encore toujours avec cette efficacité et avec cette puissance intellectuelle ? Est-ce qu'on prend le temps ? Est-ce qu'on prend le recul ? Ou est-ce qu'on consomme les images à la volée en permanence ? Je ne sais pas. Oui, bien sûr, mais ça, votre remarque est rhétorique. Je vois bien ce que vous pensez, mais en même temps, on peut se dire que Barthes nous livre les clés pour ne pas subir cet état-là, mais en faire quelque chose de créatif. Faire quelque chose de créatif, tout à fait, effectivement. C'est ça. Il y a le remède et le poison. C'est la pharmacopée barthésienne. C'est-à-dire, je vous montre que le poison est partout, mais en même temps, je vous donne le remède et les clés intellectuelles pour ne plus mourir de ce poison. En 30 secondes, je sais que c'est un défi impossible à relever. On n'a pas eu le temps de goûter le couscous au beurre rance. Est-ce que vous voulez en dire un mot quand même pour donner envie au lecteur, à l'auditeur de lire ce texte ? L'année 71, ouais. C'est le moment où Barthes comprend pleinement que l'écriture intellectuelle doit faire passage à l'objet de savoir. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il commence un texte d'une complexité théorique qui est trop importante pour un non-initié, mais il le commence par une anecdote d'ordre privé sur le dégoût que lui inspire le couscous au beurre rance. Comment ne pas choquer mon hôte ? Eh ben justement, Fourier, le texte qui va suivre, va nous expliquer pourquoi. Ça va être le théoricien des plaisirs, etc. Et dans la préface, Barthes dit qu'aujourd'hui, il faut apprendre à partir de l'objet de saveur pour créer du savoir. Et je pense que sa poétique va s'en trouver complètement changée à partir de là. Eh bien, merci Mathieu Messager, merci. C'est le retour au plaisir des choses dans la complexité des textes. Enfin, le plaisir, c'est ça, on sent plutôt surtout la complexité dans le texte sur le couscous. Hein. Après. Mais c'est pas comment dire qu'il n'aime pas. Et il s'interroge sur l'origine des goûts. Mais Fourier va l'aider, justement. Eh bien, voilà, à découvrir, ou qui sait, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. On mangera du couscous pendant toute l'heure. Merci infiniment, en tout cas, Mathieu Messager, vraiment, pour d'avoir concocté ce menu avec nous ce matin et d'être venu en parler. Je renvoie à votre. Que sais-je, consacré à Roland Barthes, et puis le site roland-barthes.org qui est là aussi dont vous vous occupez quasi quotidiennement, j'imagine. On se quitte, et on revient au début, une boucle afin de clôturer ce repas, non pas un digestif, mais un bon steak frites. En Angleterre, on ne boit pas le Beaujolais, on ne mange pas le camembert, le champagne au dessert. En Angleterre, j'aime bien la soupe de tortue, les petites grillades sur barbecue, avec le thé au lait. Mais aujourd'hui, je suis à Paris et je vais changer ma vie. Oh, beefsteak, frites, frites, frites comme tout le monde. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo du jour par Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question du jour ce matin, la voici. Est-ce que la matière existe encore ? C'est l'un des mythes fondateurs de la philosophie, qu'un jour, sur une plage, un philosophe ait considéré, une poignée de sable à la main, que tout était fait d'atomes insécables. Le concept d'âme, dès lors, serait devenu comme le compartiment du haut d'un sablier, une illusion qui finirait par fondre et par rejoindre le compartiment du bas. Mais je ne suis pas certain que cela soit bien passé ainsi, et je mets volontairement entre parenthèses l'incroyable verroterie par lequel le christianisme a réussi à retenir pendant 2000 ans le sable de tomber. je m'interroge plutôt sur la disparition moins remarquée du concept de matière. L'âme pourrait bien tomber, maintenant, autant qu'elle veut, le problème n'étant plus qu'il n'y ait plus rien pour la retenir, que plus rien pour l'accueillir. C'est le compartiment du bas du sablier qui fait soudain défaut, et je ne m'intéresse ici ni à l'évanescent chat de Schrödinger, ni aux ondulantes fentes de Jung, ni à l'expérience d'aspect, ni à une quelconque des manières qu'a eu la physique antique depuis un siècle d'ébranler notre concept naïf de matière, car la matière, c'est naïvement qu'on l'a vu disparaître en l'espace d'une génération ou deux. Vous pensez à la dématérialisation promise par l'avènement du numérique, c'est ça ? Mais même pas. Je pense en fait à quelque chose d'encore plus prosaïque, lié à l'apparition d'anomalies métaphysiques dans les choses, d'anomalies appelées artefacts. Un excès de matière dans la matière. Des traces de mains humaines coincées entre les choses, des capsules de bière enfoncées dans la boue sur les rives d'une rivière, des morceaux de verre polis dans le sable, des traces d'irisation pétrolifère dans l'eau d'un caniveau. Quantité de propriétés nouvelles sont ainsi apparues. La jambe d'un Playmobil, soumise à certaines contraintes, pouvait perdre ses couleurs. Inversement, les dents immaculées d'un présentateur TV pouvaient se recouvrir de près, de couleurs serrées comme des écailles. Alors j'ai appris, à l'école, comme tout le monde, les bases de la pétrochimie. Les différents composants du pétrole sont recueillis, en fonction de leur masse, à différents étages d'une tour de distillation. En bas, le bitume, en haut, le naphtha destiné aux cosmétiques, et tout le monde moderne, entre les deux, du kérosène des avions à l'essence des voitures, en passant par les polymères des plastiques. J'évoquais à l'instant le sablier des philosophes et le désir démocritéen de voir les choses s'étaler. Ce sont soudain ces raffineries qui s'y opposent. Et donc la matière, à force d'être transformée, serait devenue trop légère. Oui, car que les aéroports, les plateformes pétrolières, les raffineries elles-mêmes soient des sortes de cathédrales, cela a été beaucoup dit, nous flotterions dans l'air parfumé et mystique du pétrole. La question n'est d'ailleurs plus de savoir comment nous allons échapper à cette légèreté problématique que de déterminer à quel étage le réacteur de la raffinerie va bien pouvoir nous relâcher. Toute la théorie de l'anthropocène n'est que l'anticipation de cela, quelle sera la nature chimique de cette mince couche de carbone qui restera de nous. Car il est désormais presque certain que nous ne retomberons jamais, ou bien seulement, comme des fossiles, et qu'il y ait bien plus à craindre des hydrocarbures libérés que de l'opium du peuple. Où atterrir ? C'était la question urgente et légitime que se posait récemment Bruno Latour. Nous serions devenus si dramatiquement légers que nous regardons avec envie le sable qui tombe dans le vieux sablier des philosophes matérialistes. Et donc, pour répondre à votre question initiale, est-ce que la matière existe encore ? La réponse est oui, mais presque à l'état de mythe. Quelque chose de cet ordre, oui, comme si les atomes n'étaient plus assez nombreux, plus assez lourds pour nous retenir, ou plutôt qu'on avait mis tellement de soin à les disposer à notre guise pour qu'ils nous permettent de voler ou de rajeunir, que ce sont eux qui volent, qui rajeunissent et qui pensent pour nous, nous qui ne sommes plus entre leurs mains qu'un peu de sable qui file. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Baptiste Botella, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert qui s'occupe du site internet. Allez le voir, le site des Chemins de la Philosophie. Vous trouverez toutes les bibliographies dont vous aurez besoin, des citations également de l'invité. Vous pourrez réécouter l'émission. Nicolas Berger qui réalise pour vous cette semaine culinaire. À la prise de son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson à la lecture des textes. Vous avez entendu la voix de Roland Barthes qui lisait son propre travail, mais aussi celle de Denis Podalides qui lit les textes pour nous cette semaine et que je remercie pour ses lectures. On continue demain, évidemment, cette semaine, donc je mange, donc je suis. Demain, on parlera de Rousseau. Rousseau qui aimait, sans surprise, la nourriture naturelle, celle qui se rapprochait le plus de la nature et s'éloignait le plus de la civilisation. Ce sont donc les laitages, la viande aussi, on y reviendra. Et ce sera le philosophe Olivier Assouli qui sera à ce micro pour en parler d'ici là. Donc vous pouvez réécouter cette émission sur Roland Barthes, ainsi que les précédentes, des semaines précédentes. Toutes les émissions sont disponibles en fait en podcast et en téléchargement à travers l'application Radio France, très facile à télécharger, qui vous donne ensuite la possibilité d'écouter chaque émission en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast, comme ça vous les écoutez à l'heure de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h, d'ici là. Restez à l'écoute sur France Culture.